On écoute Virgie, surtout Virgie, et Barbe Jaune, qui est présent aussi. D'ailleurs, c'est grâce à lui si ce micro ouvert se fait. Ouais, Virgie qui a une histoire horrible à raconter, vraiment. Mais avant de les écouter, avant de l'écouter, je vous lis ceci. Ça s'appelle « Transfert de pollution ». Entre vous et moi, la Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager davantage le transfert des industries sales vers les PMA ? Alors PMA, ça veut dire « pays le moins avancé ». La mesure des coûts de la pollution préjudiciable à la santé se fonde sur le manque à gagner dû à l'augmentation des maladies et de la mortalité. De ce point de vue, une quantité donnée de pollution préjudiciable à la santé devrait être attribuée au pays au coût le plus bas, c'est-à-dire celui dont les salaires sont les plus bas. La logique économique, selon laquelle on devrait se débarrasser des déchets toxiques dans les pays aux salaires les plus bas, est à mon sens impeccable et nous devons l'accepter. C'est Laurent Summers, alors économiste en chef de la Banque mondiale, dans une note interne de l'institution. Ça date du 11 décembre 1991. Qui c'est qui prend le taxi, les gentils? Et qui paye le carburant, les méchants? Qui blablate sur LCI, les gentils? Qui crie sa colère aux champs, les méchants? De l'économie, les gentils, et qui est à court d'argent, les méchants, c'est les narots de Gilbert, si les gentils, c'est les petits commerçants, les méchants, c'est comme un guignol, spectacle permanent, et vive les banques. Pour qui t'as de l'antipathie, les gentils, qui fait 70% les méchants, qui gaz aux bombes la crie, les gentils, et qui se retrouve devant les méchants. Tard accompli, les gentils ont peur des pavés maintenant, des méchants. Ils veulent l'Europe à tout prix, les gentils. Ils veulent nourrir leurs enfants, les méchants. Les gentils méchants. Micro ouvert. Go. On se retrouve à la Grand Place de Bruxelles, avec plein soleil tout bleu, là. On est dehors. C'est fini un peu l'histoire du vaccin en ce moment, donc on peut se retrouver à l'intérieur, mais on est dehors quand même. Il fait beau, avec notre bonnet. Ton bonnet. Donc on est aussi autour de la table, et alors il y a... Virginie. Ouais, Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Il y a Barbe Jaune, on l'appelle comme ça. Salut les amis. Et le micro ouvert. Et donc l'idée, c'est de rencontrer un peu Virginie, qui voulait rencontrer Barbe Jaune. Alors Barbe Jaune, vite fait, bien fait, c'est un gars qui est dans le, je sais pas si c'est qui est dans les gilets jaunes. Voilà, c'est bien dit. Ou bien t'as envie de rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça en fait. Voilà. Et Virginie, toi, on va un petit peu faire ta connaissance parce que moi, je te connais pas du tout, mais je sais que j'ai entendu parler de toi pour quelque chose de triste quand même. C'est ta main gauche. En fait, je suis gilet jaune depuis le début aussi, mais plus dans l'ombre, on va dire. Ça a commencé alors quoi, en quelle année là? Ma main, c'est exactement... Les gilets jaunes. Les gilets jaunes en 2018. Comme ça, on se rappelle, hein, tu vois. 2018, ben, je suis dans la rue, comme tout le monde, pour défendre nos droits. Et... Ici, en Belgique, ou t'es... parce qu'il y a eu beaucoup de choses en France... Attends, je finis chaque fois ma phrase et après, parce que des fois, on n'a pas l'habitude. Hein. Ici, en Belgique, t'es active ou bien tu pars en France? Parce qu'en France, c'est là, tout de suite, très chaud. Hein. Ben, je suis active dans mon pays principalement parce que je suis belge, mais je me suis déplacée assez souvent sur Lille, sur Paris. J'ai fait aussi les manifs par là-bas, par solidarité, quoi. Et j'avais envie de dire, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as découvert les Gilets jaunes, quoi, quand tu as découvert ce mouvement, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? Un super mouvement social pour moi qui, malheureusement, s'estompe un peu parce que les gens ne nous rejoignent pas. Je pense qu'ils sont encore trop bien dans leur petit confort, ce qui est triste, quoi. Oui, mais au tout début, essaye de te rappeler, au tout début, ça te faisait quoi? Tu étais emballé, tu te disais, ça y est, le jour est arrivé. Ouais, bien sûr. Je me dis, ça y est, les gens sortent dans la rue, se battent pour leur avenir. À la base, on est sortis pour quoi? Pour le panier de la ménagère et le diesel. Et le panier de la ménagère qui se rejoint, quoi. Trois ans après, on en est où? On est de nouveau au même niveau avec la Benz et tout. C'était une belle énergie. Essayons de prendre le temps comme ça. Hein. C'était une belle énergie. Il y avait, paraît-il, c'était aussi... Elle est encore là, l'énergie. Hein. On ne la voit pas, mais elle est encore là, l'énergie. Hein. Les Gilets jaunes sont encore là, ils ne sont pas morts. Mais il y avait plein de gens dans les rues. Hein. Ouais. C'était énorme ce qui se passait. C'était beau, on peut le dire. Malheureusement, le Covid est venu se mettre dans le bazar aussi. Et les gens sont sortis pour le... C'est bien, hein? Mais tous ces gens, ils sont où maintenant? Maintenant que le masque a aboli et tout, ils sont où tous ces gens? Oui, c'est la question. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas rien eu. Enfin, tu vois, il y a eu des choses... J'ai revu un peu le mouvement du côté France, moi, parce qu'il était il était plus énorme. Hein. Quand on regarde les images, c'est quand même assez balèze. Hein. Je crois qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu. On ne pourra plus jamais faire comme s'il n'y a rien eu, tu vois. Et maintenant, tu mets un gilet jaune, on marchait à côté des gamins, là. Donc ça nous faisait rire parce qu'on disait « Eve, là, des petits gilets jaunes ». Tu vois, ça d'office, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. C'est marqué dans l'histoire. Tu es d'accord avec moi? Et puis j'avoue aussi que grâce au mouvement, on a fait des super rencontres. Moi, perso, j'ai rencontré des gens que sans le mouvement, jamais je leur aurais parlé. Et ça, c'est magnifique. Ouais, c'est retrouver une conscience politique du terrain, là, monsieur, madame, on discute, on refait le monde et on est actif en plus. Je veux dire même simplement des gens qui ne sont pas de la même classe sociale ou quoi que ce soit, qui ne sont pas habillés comme nous ou quoi que ce soit. Ah ben, j'ai fait des rencontres magnifiques. Que... Grâce au mouvement. Il n'y aurait pas eu le mouvement, je ne les aurais jamais rencontrés, ces gens-là, et jamais je me serais arrêtée pour leur parler. Et c'est triste. Qu'est-ce qui est triste? Que c'est à cause d'un mouvement qu'on s'arrête pour parler à des gens qui ne sont pas du même... Comment je peux dire? Milieu social. Voilà. Et grâce au mouvement, j'ai fait ça. J'ai fait cette démarche, j'ai mis un pied devant, j'ai... Donc, c'est pour ça que j'essaye de rappeler dans l'histoire, parce que c'était quand même quelque chose de fort, de puissant, de beau, d'accord? Bon. Maintenant, on s'est fait maltraiter par certaines personnes. Moi, style, je suis gilet jaune, chez certains membres de ma famille, je peux plus mettre les pieds. Bah, c'est pas plus mal, non? Oui et non, parce que ça reste la famille, quoi. Mais... Tu prends position pour finir. Moi, tant que je vois ma mère encore et mes parents, c'est le principal, quoi. Voilà. Bon, Virginie, explique-nous alors cette histoire. Donc, si je t'arrête, c'est parce que tu vas trop vite, hein, on comprend pas. Explique-nous alors cette histoire de main. On dirait que tu peux vraiment plus l'utiliser, quoi. Tu sais plus l'utiliser, ta main gauche? Je la mets là parce qu'il fait froid. Tu la mets dans ta poche de ta veste? Tout le temps. J'ai tout le temps ma main, et c'est une sécurité aussi. Parce que j'ai mal, j'ai peur de me cogner les doigts et tout. En fait, ce qui s'est passé, le 13 septembre... Pour remettre les choses dans le contexte, je travaille dans un hôpital. Je suis gilet jaune, mais je travaille dans un hôpital. Le 13 septembre 2020... Très bien, pour les bruits qu'on entend, il y a des gens, il y a des groupes... On a la place, la grande place, hein, il y a des groupes, des étudiants, il y a de la musique, enfin voilà. Donc ouais, je travaille dans un hôpital. Le 13 septembre 2020, il y avait une manifestation de la santé en lutte. Nous, gilets jaunes, on s'intéresse à tout ce qui est mouvement social. Je travaille à l'hôpital. Je me dis, c'est l'occasion, il faut y aller à cette manif. Elle est où, celle-là? Ici, c'était ici, au Mont des Arts. La manif en elle-même, elle se passe plus ou moins bien. Bien sûr, les forces de l'ordre ne nous laissent pas avancer, rien du tout. Et en fin de manif, il y a eu un gros bousculement. Et je me suis fait matraquer. Et là, j'ai eu le réflexe de lever ma main au niveau de ma tête. Et je me suis pris le coup de matraque sur mon doigt, ce qui a fait que je suis tombé et j'ai ressenti directement lancer ma main. J'ai un ami qui m'a pris Il m'a mis sur le côté. J'ai fini le reste de ma manif, malgré que j'avais mal. Et après, le temps de rentrer à la maison et tout, d'aller à l'hôpital. Là, on m'a dit que j'avais un doigt cassé. On m'a mis un plat pendant 2 semaines. En fait, j'ai déclaré une maladie due au choc que j'ai reçu, ce qui s'appelle l'algoneurodystrophie. Oula ! Voilà. Et depuis, ça fait 18 mois, j'ai fait 1 an de kiné. Tout à mes frais, bien sûr, parce que j'étais pas vipo à ce moment-là. Je le suis maintenant, mais je l'étais pas avant. Donc quoi, tu veux dire que c'était la mutuelle, quoi ? T'avais la mutuelle ? Oui, mais la kiné, ça me revenait à 80 balles par mois. C'est pas remboursé, la kiné, non ? Un petit peu. La mutuelle payait 700 et moi, je payais 80. Parce que j'allais trois fois par jour. À raison de 3 heures par jour, quoi. Hier, j'ai revu mon ortho. On parle de couper mon doigt. Mais pour le moment, on ne peut pas parce que c'est encore trop douloureux et tout ça. Donc maintenant, en revenant pour... j'ai porté plainte au comité P. Mais ça, toute seule. Hein. J'ai fait toutes mes démarches toute seule. J'ai porté plainte au comité P. De là, j'ai été entendue aux affaires internes. J'ai pris un avocat à mes frais. Et malheureusement, je n'ai même pas pu passer au tribunal. Mon dossier a été classé sans suite parce que les flics cachent leur numéro d'RIO et on n'a pas su l'identifier. Du coup, je perds mon taf. Tu faisais quoi comme boulot ? J'étais technicienne de surface en hôpital psychiatrique. Enfin, c'est pas mon boulot en lui-même que j'adorais, mais j'adorais le contact avec les patients. Et ça me manque un point pas possible. Combien d'années là tu travaillais ? Là, 8 ans. Ça faisait 8 ans. Parce que c'est vrai que dans mon cycle de vie, j'ai pas eu de chance non plus. J'ai eu 3 CDI, ils ont tous cassé et tout. Mais je suis toujours tombée sur mes pieds à retrouver du boulot. Et c'est ça qu'ici, ça va faire 1 an et demi, je travaille plus. Je deviens complètement dingue. À ne plus savoir rien faire. La perte de revenus, je perds facilement entre 500 et 550 euros par mois. À combien maintenant, alors, du coup ? À la mutuelle, j'ai 1002. Bon, c'est pas rien quand même, quoi. 1002, quand tu comptes que j'avais 1007 avant, ma maison, je ne sais plus l'entretenir. Donc malheureusement, elle est mise en vente. Ta maison, tu ne sais plus l'entretenir parce que quoi, elle est à toi ? Elle est à toi ? Il me restait 8 ans à la payer. Ici, j'ai pris les démarches début d'année pour la mettre en vente. Et je me dis que ça serait un nouveau départ et que je me reprendrai un truc plus petit. J'aurai plus facile. J'aurai plus ces travaux que moi, je dois faire. Avec ma perte de revenus, je n'y arrive plus, quoi. T'es toute seule dans ta vie ? Ouais, je vis toute seule. Pas d'enfant ? Non. Je vis toute seule, et voilà. Donc, si je résume et si je comprends bien, toi, tu vas en manif, tu te fais taper par un flic. Et pour quelle raison tu te fais taper ? T'es là où il faut pas, ou quoi ? Ou bien tu lui fais un fuck, ou t'es un peu rebelle ? C'est pour te titiller, hein, parce que... Je suis un peu rebelle. Elle reconnaît. Maintenant, je sais que c'est de ma faute ce qui m'est arrivé. Non, mais il ne faut pas dire ça. Mais non. Attends, là. Un flic n'a pas. Parce que je suis un peu trop. J'ai trop la haine en moi, en fait. Et depuis que j'ai ma main, cette haine, elle s'est décuplée. J'arrive pas à arrêter le mouvement, malgré que j'ai ça. Mais c'est une force. Ils m'ont rendu une tu force. Tu n'arrêtes pas à arrêter le mouvement. Quel mouvement ? Le mouvement de la haine de ta main ou le mouvement ? Les jaunes, je suis toujours dans la rue. Malgré que j'ai ma main comme ça, je suis toujours dans la rue. J'ai été en manif à Lille avec mon plâtre, avec ma main en bandeau. Enfin, on est toujours là, on est toujours présent. Malgré quoi qu'il nous arrive, on sera toujours là. Et je dis, ils m'ont donné une haine encore plus d'aller dans la rue, de me battre. Un flic veut te taper sur ta tête ? Tu mets ta main à la place et c'est ta main, toute ta main qui prend, quoi. Ici. Tu dis ? J'ai reçu le coup sur mon doigt là. Il a été cassé. L'index. Et depuis, Ta main. Ma main maintenant, elle se rétracte. Elle devient de plus en plus petite. Ouais, c'est là. On le voit, hein, on a qu'elle est plus petite. Ouais. Et en force de journée, j'ai plus de force, j'ai plus de. On le voit, hein. Les deux doigts ici, ils bougent pas. Ça doit être épuisant de perdre un membre. Il paraît que quand on a un coup physique, c'est difficile. Hein. Dans toutes les tâches de la vie quotidienne, conduire, me faire... Tu peux plus ? J'ai très dur, après je conduis un quart d'heure, après j'en peux plus, j'ai mal mon bras. Me faire à manger, tout simplement. Éplucher des légumes, nettoyer. Simplement, laver mes cheveux. On a des longs cheveux, on a besoin... Enfin, tous les petits trucs ainsi de la vie... Ouvrir mon truc de sucre, je sais pas si t'as vu tantôt comment j'ai fait. Enfin, c'est... On apprend des nouvelles techniques, j'apprends à vivre avec, quoi. C'est pas facile tous les jours, mais j'apprends à vivre avec. Et ça fait combien de temps que ça t'est arrivé, ça ? Ben, le 13 septembre 2020, donc 18 mois. Ouais. Ta vie a changé, on peut le dire, ou... De tout au tout, franchement, ouais. J'ai 43 ans, j'ai eu 43 mardi. Depuis mes 19 ans, j'ai toujours bossé. Et si je me retrouve sans rien, je suis chez moi. Tous les jours, des fois je me demande comment je vis, tous les jours se ressemblent, enfin, c'est affreux. Moi qui suis active dans la vie, là c'est affreux. Franchement, c'est affreux. Ouais, c'est super intéressant, important d'entendre ça. Que même si t'es vipo avec 1200 balles, toi t'étais une battante, tu bossais. Tu te retrouvais là-dedans, tu te retrouvais dans le fait de travailler, quoi. Et maintenant, t'as plus rien, que dalle. Même par rapport à mes parents, j'ai l'impression de les décevoir, de ne plus bosser. Or, parce qu'on a eu cette éducation, mes parents, c'est des simples ouvriers, ils n'avaient pas... Mais ils nous ont donné... Pour moi, j'ai une très bonne éducation, merci maman. Le travail, le travail, c'est la santé. Voilà, ne rien faire, c'est la conserver. Mais non. Moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie. Bon, maintenant, on est tous. C'est. Moi, j'avoue, j'avais besoin de mon travail. Et pas nécessairement pour l'argent, quoi. L'argent, si. Mais le lien que, social. Mais pas que, quoi. Voilà. Le lien social, mes petits patients, je les kiffais. Ils me manquent. Franchement, ils me manquent. Ce lien social me manque. Malgré que j'ai mes amis sur le fin, mes amis. On dit qu'on a des amis. On en perd beaucoup. Quand tu es plus actif, que tu ne sais plus conduire comme avant, que tu perds de l'argent, tu perds des gens autour de toi, malheureusement. Et j'avoue que je suis beaucoup dans le négatif pour le moment. J'ai perdu une très bonne amie à moi parce qu'elle me dit « t'es tout le temps dans le négatif ». Je lui dis « mais mets-toi à ma place un petit peu ». Complètement. En plus, tu le dis avec un petit sourire quand même, mais je crois que tu es... C'est hyper, hyper difficile. Malheureusement, ici, j'avais repris... J'adore les animaux, je suis toute seule. J'avais repris un chien au mois de juillet. Et je me dis, pour pas être toute seule et tout. Quatre mois après, il a été malade, j'ai dû le faire partir. Et les gens, ils comprennent pas que je suis pas bien. Mais putain, mettez-vous à ma place. Comprenez-moi, il y a un petit peu d'empathie. L'empathie, elle est où ? C'est juste ça. Mais je continue à avancer. Dur, mais voilà, quoi. Je dis pas, il y a de temps en temps dans ma tête, je me dis, je vais foutre le camp, hein. Mais pour mes parents, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Quand tu dis « je vais foutre le camp », ça veut dire quoi ? Rejoindre mes loulous là-haut. Rejoindre ? Les chiens là-haut. Et parce que c'était eux mes meilleurs confidents, quoi, on va dire. Mais on est là, on est toujours le point levé et on sera encore là. T'es triste Tu parles que les gens sont pas empathiques ? T'as ça ou tu dis ? Ils n'ont pas d'empathie, enfin... Pas tout le monde, hein, mais on me comprend pas, en fait. J'ai l'impression qu'on me comprend pas, que je ne puisse ne pas être bien avec tout ce qui m'arrive. On me l'a reproché. Mais qui dit ça ? Mais des amis qui me l'ont reproché. T'es dans le négatif, Virgile. Mais putain, mettez-vous à ma place. Laissez-moi rebondir après. Juste ça. Je pense qu'une fois que ma maison sera vendue et que j'aurai mon petit appart après, ça sera un nouveau départ. Je pense, et je laisserai le passé derrière, quoi. Je pense qu'il me faut ça pour rebondir, pardon. Mais surtout te laisser le temps, ouais, peut-être, est-ce que c'est un manque d'empathie ou bien c'est un manque de, tu vois, c'est un manque peut-être, ouais, l'empathie c'est peut-être ça, de se rendre compte. Elle est plus là comme avant, c'est ça aussi. Dis. La Virgile, elle est plus là comme avant. Moi, tu m'aurais vu avant, j'avais 5-6 kilos en moins, j'étais bien musclée, enfin sportive et tout, quoi. Et si, dû à ma main, ben, je sais plus rien faire. Voilà, dans l'ensemble. Ouais, bah c'est énorme. Si on entend bien tout ce que tu dis, c'est quand même, oui, c'est énorme ce qui t'arrive, quoi. C'est vrai. On réalise pas si bien. Si je peux en rajouter, j'avoue qu'au début que j'ai eu ça, donc septembre, on va dire octobre, vers novembre, décembre, j'ai essayé d'aller trouver des gens, leur demander des gens des Gilets jaunes qui étaient bien. Essayez de trouver avec moi un avocat, s'il vous plaît, faites quelque chose. On m'a tous dit non, non, non. J'ai été voir des médias indépendants, je peux le dire, vécu. On m'a dit non, t'es pas assez médiatisé. Ah ben sympa. Et après, je vois qu'on fait des actions pour d'autres qui, eux, n'ont pas été blessés. Oui, ils risquent la prison, mais ne sont pas blessés. Et qu'on leur rapporte des... Ah ben ça m'a fait mal. Croyez-moi que ça m'a fait mal. Parce que je me dis pourquoi on fait pour un et pas pour l'autre. parce que je ne suis pas médiatisée. Que je suis dans l'ombre. En fait, je suis dans c'est énorme, c'est une baffe dans la tronche qu'on te dit ça. Mais attends, mais déjà, il n'y a peut-être pas à comparer les histoires de chacun. Mais ce qui est dommage, attends, je finis. Ce qui est dommage, c'est que tu fais appel, tu demandes de l'aide de la part des gilets et non. Qu'est-ce que tu aurais aimé Qu'on m'aide avec un bon avocat déjà et avoir du soutien moral, ne fût-ce que ça. Maintenant, je dis pas, hein, Idriss, il a fait quelque chose pour moi, il m'a fait un petit reportage. Petit Pierre, il a fait quelque chose. J'ai eu un petit truc, mais comparé à ce qu'on a fait pour d'autres, ne fût-ce un avocat. Pourquoi on m'a pas trouvé un bon avocat? Mais quand on parle de ce qu'on a fait pour, c'est, tu vois, c'est déjà un petit peu ciblé, c'est qui a fait pour? Comment ça s'est enclenché le fait qu'il y ait vraiment une mobilisation pour Idriss, qu'il y ait même une cagnotte qui se mette en place, tu vois? Qui c'est parti d'où ça? Je sais pas. Mais voilà, mais c'est peut-être ça qui serait aussi intéressant d'essayer de comprendre. Moi, je me monte pas sur les réseaux sociaux. C'est ça? Moi, pour moi, c'est ça, ça part de là. Pour moi, je me trompe certainement, peut-être. Mais quoi, parce que tu ne te retrouves pas sur les réseaux sociaux, donc tu n'as pas accès à tout ça, quoi. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Moi, je ne me monte pas, je ne me filme pas en manif. Je filme un peu la manif, mais c'est pas moi qui vais me filmer, c'est pas moi qui vais aller me mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si je m'exprime bien là-dessus. C'est ça que je veux dire, je ne me mets pas en avant. Enfin, on sait bien que les gilets jaunes, c'est pas ça le mouvement, c'est pas de se mettre en avant qui compte, quoi. Les gens me connaissent pas. Donc il y a plein de gens qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. Tu dis moi, on me connaît pas. Donc je me dis, pourquoi on va aller aider quelqu'un qu'on connaît pas? Idriss, il est très connu, donc d'office qu'on va l'aider à lui. Et comment ça se fait qu'il est très connu, par exemple, Idriss? Parce que moi, je connaissais pas toute son histoire. Comment? Parce que, je sais pas. Il se monte sur les réseaux. Maintenant, il est peut-être plus aussi ouvert à aller parler aux gens et tout. Moi, je suis en manif. Je fais mon truc à moi. Je vais pas pour les gens. Je dis pas que lui va pour les gens. Hein. Il est très, très... Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, tu me poses une colle, parce que je sais pas. Mais c'est vrai que moi, en manif, je suis plus réservée. Je suis plus dans ma bulle. Plus... Peut-être pour ça, je sais pas. Bah, tu disais aussi que tu aimais bien rencontrer les gens au début. Qu'on rencontrait... Oui. Attends, que tu rencontrais des gens qui étaient pas forcément... comme toi, et que tu aimais bien ça, mais donc Idriss, il est peut-être plus... Bah, il est plus jeune aussi, hein. Faut pas prendre Idriss pour référence, c'est pas bien ce que j'ai fait, parce que c'est une bonne personne, Idriss. C'est une bonne personne et il mérite pas ce qui lui est arrivé non plus. Et ce qu'on a fait pour lui, c'est bien. Franchement, c'est bien. Heureusement qu'on a fait ça pour lui. Ouais, la question, c'est de se dire pourquoi ça... En fait, il faudrait, puisqu'on a vu ce que les Gilets jaunes étaient capables de faire pour Idriss, il faudrait faire aussi pour d'autres gens... Qui perdent une main. Voilà, il faudrait aussi cette mobilisation qu'elle se mette en place. Et alors, on est occupé à analyser, essayer de comprendre pourquoi elle ne s'est pas mise en place. Tu as l'air de dire, c'est parce que tu fais moins de selfies, je dis ça pour rigoler, tu es moins filmé, on ne sait pas qui tu es. Tu crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une mobilisation? Moi, je ne suis pas sûre. Hein. Bah alors, je ne sais pas. Mais moi, perso, oui, je pense. Maintenant, c'est vrai que je n'ai peut-être pas ébruité mon affaire non plus. Mais... Voilà, je pense que tout le monde, enfin, les gens qui me connaissent ont su que j'ai eu un accident le 13 septembre. J'ai été voir certaines personnes, tu sais, quand on te dit une fois, non. Tu vas voir quelqu'un qui est connu, qu'on te dit non, je ne sais pas t'aider, non, je ne connais pas d'avocat. Tu vas demander à un deuxième, on te dit non. Et à un moment, tu as ta fierté quand même. Hein. Tu ne vas pas aller te rabaisser et pleurer après tout le monde pour qu'on vienne t'aider. Je pense que j'ai ma petite fierté aussi, j'ai mon ego. Enfin, on reste humain. Hein. Donc voilà quoi. Ben donc voilà, ici, Barbe, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ce stade-ci? Oui, dis-moi. Moi, je voulais juste aussi, en fait, pourquoi je voulais faire médiatiser mon affaire? Parce qu'en Belgique, on ne parle pas des blessés en manif, comme en France. En France, on en fait tout. En Belgique, on n'en parle pas. Mais on a des blessés chez nous aussi. Chez nous aussi, on a des blessés. La police est violente chez nous aussi. C'est tout ce que je voulais. On parle en parallèle des gilets jaunes qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains. Parce que moi, ma main, elle est courlée en entière, mais la moitié de ma main est morte, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens? T'as l'air de dire qu'ils ont bougé, eux, mais qu'est-ce quoi? Ça a été médiatisé, quoi. Pour les gens, style, qui ne font pas partie du mouvement et tout, il faut montrer cette violence policière. Les gens doivent savoir qu'il y a une violence policière. Tu savais qu'elle existait avant de recevoir ton coup? Oui. Parce que moi, j'ai grandi dans la rue et tout. Je savais que la police n'est pas là pour le citoyen, mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là, parce qu'ils sont aussi... Quand ils rentrent chez eux, qu'ils enlèvent leur uniforme, ils sont dans la même galère que nous. Hein. Et quoi ? Évidemment, ce qui aurait été important, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est qu'il y ait justice. Parce qu'un flic, il a pété... Il est au courant. Ça tombe, il n'est même pas au courant, quoi. C'est ça qui est énorme. Ouais, il a bien vu qu'il m'a matraqué. Hein, parce que celui qui était à côté de moi, il m'a dit qu'il n'a pas été de main morte. Ouais, mais ça tombe, il n'est même pas au courant qu'il t'a pété la main. Ils sont lobotomisés, ces gens-là. Ces flics, ils sont lobotomisés. Est-ce qu'ils ne prennent même pas quelque chose avant d'aller en manif ? Oui, mais du coup, il n'y a même pas de responsabilité en jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Si les gens s'étaient bougés pour ton histoire, c'est de se dire, putain, il y a quelqu'un, un flic, qui lui a pété sa main parce qu'elle allait manifester, quoi. Tu comprends ? Et le pire, c'était une manif de l'hôpital de la santé en lutte. Même eux n'ont rien fait, parce que je sais qu'il y avait quelque chose. J'ai essayé via eux. Même la santé en lutte n'a... Or que je travaille pour eux, pour l'hôpital, quoi. Parce que, ouais, je sais pas. Quoi, non, j'avoue que moi, quand je suis en manif, je suis un peu... Mais c'est pas pour ça que tu dois perdre ta main. Allez, ne dis pas ça de ta propre... Tu dois pas perdre ta main pour cette raison, enfin. Ah non, non, non, non, non. Personne ne doit perdre quoi que ce soit, aller en prison ou pour un mouvement social comme ça, pour défendre nos droits. C'est triste. On devrait même pas être dans la rue pour défendre nos droits, dans la logique des choses. Mais on n'a pas le choix. Si on veut une vie décente, on doit se battre. Surtout pour nos enfants. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Là, j'avais un truc à te dire. Sauf que j'en ai marre et que je suis à bout. Voilà. Tu es à bout de quoi ? À bout de force, à bout de... J'en ai marre d'avoir tout le temps mal en permanence. T'as mal en plus ? Ici, je suis là, j'ai mal, quoi. Ouais. C'est... Enfin, je m'habitue à la douleur, hein, mais il y en a marre. Il y en a marre. Et ça joue sur mon moral aussi, malheureusement. Enfin, on est humain. Hein. Voilà. Écoute, si maintenant tu pouvais rêver, hein, d'école, si on pouvait réparer, qu'est-ce que tu souhaiterais en fait ? Moi, récupérer ma main et reprendre ma vie normale. Franchement, ouais. Si je pouvais, mais je serais encore dans la rue. Hein. Mais je voudrais récupérer ma mère, prendre mon taf. Ouais, c'est ce chemin-là, et c'est pas aller régler tes comptes au flic qui t'a cassé la main. Quoi. Ça, je l'aurais ça va se payer, un jour ou l'autre, ça se payera, ça. Comment ? Je sais pas encore, mais un jour ou l'autre, ça se payera. Je vois pas du tout de quoi tu parles, quoi. Le hasard fera que le flic, à un moment donné... Ouais, comme on dit, la roue, elle tourne, j'y crois pas trop, hein, mais bon. Ça sera peut-être pas lui ou quoi, mais... Les flics, ils se prennent des coups à manif aussi. Enfin, bien fait pour eux. Voilà, bien fait pour eux. Perso, moi... Ils abaisseraient leur... Ils enlèveraient leur casque, ils abaisseraient un petit peu leur bouclier. Ça se passerait pas comme ça. Parce qu'ils sont dans la même galère que nous. Maintenant, encore une fois, je les aime pas. Hein, mais c'est pas à eux qu'on doit en avoir. C'est au-dessus d'eux, mais c'est eux qui sont là. Donc, ouais, quand même, ils font un boulot de merde, hein. Ouais, ils font un boulot de merde. Disons-le, ils protègent l'État, ils protègent... Enfin, je veux dire, moi, les flics, franchement... Ouais, c'est ça, mais c'est donc, toi, de l'État, quoi. Donc toi, tu veux même pas régler tes comptes avec tout ça. Toi, c'est juste, rendez-moi ma main et... Régler mes comptes, si, moi, j'aurais bien kiffé passer au tribunal et tout. Mais les tribunaux, on sait comment ça se passe. Nous, manifestants, qu'est-ce qu'on va gagner ? Rien. Ouais, mais ça vaut quand même la peine d'essayer, de, tu vois ? On a essayé. Mais mon dossier a été classé sans suite, sans même que je passe au tribunal. Ouais, mais c'était quoi cet avocat que tu as choisi ? Tu l'as trouvé où, celui-là ? J'ai pris un avocat de Charleroi, mais même lui n'a... En fait, c'est le parquet qui a classé mon dossier sans suite parce qu'on ne trouve pas le flic. Alors oui, je pouvais réattaquer et attaquer la police et tout, mais j'étais voir, il me fallait minimum 1500 euros. Plus les 1500 que j'ai pas, ben, on a laissé tomber l'affaire. Et je me dis, à quoi bon ? Moi, le plus important à ce moment-là, c'était que je retrouve ma main, les séances de kiné et tout, parce que j'en ai fait. Malheureusement, ben, ça n'a servi à... J'ai récupéré un petit peu, mais... J'ai revu mon ortho hier, il m'a dit, malheureusement, on ne saura pas faire plus. On arrive à un stade où la maladie prend trop... Et j'ai déclaré cette maladie à cause du choc, quoi, du coup. C'est dingue, ça, hein ? C'est du tout cette maladie. J'ai eu des bras cassés, des genoux cassés. Un mois après, je remarchais. Ici, pour un doigt cassé, Ma main, elle est morte. Enfin, la moitié de ma main, quoi, je vais dire. Ouais. T'as une maladie qui s'est développée une fois que ton doigt s'est cassé. Au cou. Parce que j'étais voir des psychologues et tout, j'ai été suivie. On m'a bien expliqué cette maladie. En fait, c'est dû au cou. Sur la tête ? Non, sur ma main. Dû au cou, et à mon avis que c'est la poly... Enfin, je sais pas. Mais cette maladie, j'ai encore du mal aussi à la comprendre. Ouais, quoi. C'est difficile à comprendre, en tout cas. Parce que c'est cassé, mais en même temps, il y a une maladie. C'est une maladie neurologique qui se déclare due au choc, due au cou. L'algoneurodystrophie. Enchantée, dis. Ouais. J'aurais mieux fait de ne pas la connaître, mais bon. Donc voilà, en gros. Eh ouais, ça, c'est... Enfin, je sais pas comment, mais j'entends, c'est... Les mots, des fois, c'est difficile, hein, les mots, parce que les mots, c'est réducteur, comme ça, mais moi, je comprends bien que ta vie, t'as dû recevoir deux baffes, quoi, dish, et te transformer. Ma maison et mon chien, quoi, ça m'a fait... Ouais. Mais en fait, je suis une amoureuse des animaux, de la nature et tout, et on se dit, on va reprendre un loulou pour pas être seul, et 4 mois après, malheureusement, on doit le faire partir. Mais là, j'ai... Parce que tu l'as déjà dit tantôt, mais j'avais... pourquoi on a des problèmes neurologiques. C'était, j'avais pris un staff, et à mon avis, la consanguinité ou quoi, les éleveurs n'ont pas fait... Il était un peu starbé, c'est ça, un peu fou. Ouais, mais il attaquait les gens, il m'attaquait moi. Et 9 mois, donc ça restait un staff, il avait déjà 30 kilos. J'adore les animaux, mais j'étais voir, même pour lui, j'ai claqué de l'argent, j'étais voir neurologue et tout, de l'argent que j'avais pas, mais je le fais pour lui, je préférais manger une tartine et soigner ma bête, quoi. Et j'ai fait le maximum, mais... Bon, mais ça, c'est les épreuves de la vie, comme tout le monde. Hein. C'est pas dû à ma main, quoi. Mais c'est un peu ça comme la poisse, ça, hein. C'est un peu comme la poisse. Et quoi, c'est ça que je me dis. Vendre cette maison et reprendre un nouveau départ. Est-ce que ça sera... Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oublier tout le passé et repartir. Malgré que j'ai bossé pour cette maison toute seule, pour l'avoir. C'était une fierté pour moi. Une fille toute seule, j'ai ma maison, quoi. Mais tant pis, c'est pas grave. Bah, tu auras encore départ. Autre chose, quoi. Tu vas avoir autre chose. Un petit appart ou quoi. Pour un nouveau départ, c'est ce qu'il faut se dire. Et quoi, toi, avant toute cette histoire, t'avais pas vraiment la poisse. Tu te vois comment Je vivais bien, normal, tranquille. La poisse comme tout le monde. Hein, une enfance... Ouais, avec des parents vrillés. Ouais, je me suis pris des claques comme tout le monde. Parce que j'ai toujours été un peu rebelle dans l'âme, hein. Mais merci papa, merci maman pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et la vie qu'ils m'ont donnée. Mais pas la poisse au-dessus de toi où t'as rien que des merdes, quoi. C'est pas ça ton passé, quoi. Moi, non. Non, parce que quand on veut s'en sortir, il y a toujours moyen de s'en sortir. Comme j'ai dit, j'ai eu des boulots, j'ai perdu mes boulots. Il y a toujours moyen de retomber sur ses pieds quand on a la volonté. Et je l'avais. Ici, je l'avoue que je l'ai peut-être un petit peu moins de ce qui m'arrive, hein. Mais faut me laisser le temps, enfin. Voilà, c'est... Mais voilà, il y a 30 minutes. En prenant le temps. Hein ? Est-ce que tu vois quelque chose à dire ou pas, hein ? T'es pas obligé non plus de... Je sais que ça a des... Tu plaisantes ou quoi ? Si on voit des choses à dire, c'est ça ta question ? Tu vois des choses à dire. C'est une blague ou quoi ? Si je vois des choses à dire, laisse-moi le micro 4 heures. Je vois 1000 choses à dire. Alors, là, c'est le long déroulé des contingences humaines et technique, pardon, de ce qui s'est passé. C'est bien d'entendre ça quand même. Hein. Comme ça, les gens savent un peu, hein, parce qu'ils voient des manifestants, mais voilà ce qu'il y a derrière, quoi. Alors moi, je suis désolé, je suis gilet jaune, donc j'essaie un peu d'aller à la source, de voir. C'est ça, les gilets jaunes. Hein. C'est, le prix de l'essence, c'est une chose, mais pourquoi est-ce que ce prix de l'essence est là ? Et notre but à nous, c'est d'attaquer ce qui cause les emmerdes. Alors là, ici, on a... une maladie, on a une vente de maison, on a des douleurs tout le temps, on a le portrait qu'elle vient de faire. Et tout ça pourquoi en fait ? Pourquoi ? Parce qu'un flic lui donne un sale coup. Pourquoi ? Parce que son chef de corps lui a dit que maintenant il fallait intervenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait il s'est mis d'accord dans un petit comité avec un bourgmestre pour dire ça maintenant il faut arrêter. Pourquoi ? Parce que madame est manifestante. Pourquoi ? Elle est manifestante parce que tout va bien et c'est juste une emmerdeuse, elle a envie de faire chier. Mais non, parce que ce monde est tel qu'il est et elle manifeste tout à fait légitimement. Manifester, oh, c'est quoi manifester ? C'est exercer une opinion dans l'espace public. Ça vaut le coup d'avoir des emmerdes à vie comme ça, là, non ? Donc, elle manifeste, elle se fait taper parce qu'un bourgmestre en a décidé ainsi, en gros. C'est ça la démocratie ? Et alors après, il y a des gens qui se demandent pourquoi on est gilet jaune. Mais vous plaisantez ou quoi? Et vous vous étonnez qu'on est fâché? Faut pas nous dire des trucs comme ça, c'est insultant. Vous êtes con quoi. Vous voyez pas ça? Vous voyez pas la séquence là? Vous êtes con quoi? Calme-toi, Barbe Jaune. Non, tu rigoles ou quoi? Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Je suis sortie dans la vie, dans la rue pour les gilets jaunes. Malgré que je m'en sortais bien dans la vie, hein. Avec mon taf que j'avais avant, je m'en sortais très bien dans la vie. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi alors t'es allée dans la rue? Solidarité? Par solidarité, pour mon neveu, pour les enfants, pour une vie meilleure. Mais Barbe Jaune, ça te dit quoi quand Virginie dit qu'elle a cherché de l'aide dans le mouvement et elle n'en a pas trouvé? Oui, ça me parle, hein. Je connais un petit peu ce mouvement. Les gilets jaunes, c'est quoi? C'est une secte, c'est une religion, c'est une hiérarchie, c'est une association internationale bien structurée. C'est des citoyens qui se mettent ensemble et qui n'ont trouvé comme lien commun qu'une espèce de gilet vilain. Donc évidemment que c'est imparfait, évidemment, c'est informel, quoi. On fait ce qu'on peut, alors on est un peu spontané, alors on nous reproche sans cesse de ne pas être organisé, et puis alors on s'organise un peu, on n'est pas assez spontané, enfin les critiques pleuvent quoi qu'on fasse, mais on fait ce qu'on peut quand même, c'est pas si merdique que ça. Alors Virgie a tout à fait raison, c'est un diamant là tout ce qu'elle a dit, c'est bien vu tout ça. Bon, nuestra culpa comme on dit, en attendant... Il y a 1000 paramètres dans tout ce qui est humain, il y a plein de paramètres, il n'y en a pas juste deux. Donc si elle en a serré quelques-uns, il y en a d'autres. Le problème principal est quand même sanitaire, un mot à la mode. Et là, évidemment, les gilets jaunes sont un peu démunis, on ne sait pas très bien quoi, la astro-neuro-pathologie, voilà, donc on ne sait pas quoi. Alors pour le reste, effectivement, il y a une dynamique d'entraide qui ne s'est pas, mise en marche comme elle aurait sans doute dû, vu les conséquences maintenant. Ok, c'est un mouvement tout à fait humain, parfait, elle a expliqué le manque de médiatisation. C'est vrai que c'est merdique comme argument, mais il faut bien constater qu'il est là, quoi. Et donc, voilà, maintenant, l'affaire n'est pas finie. Virginie est encore une jeune dame, mais la vie n'est pas finie, quoi. Alors, vieux motard que jamais, comme on dit, hein, c'est ce qu'on fait ici à cette table, je crois. Alors moi, souris, je reviens avec cette affaire-là, parce que moi, je la vois centrale. C'est très bien, je crois, hein, c'est mon analyse, c'est très bien ce qui se passe ici, et ça doit faire partie du schmilblick, mais c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe ici? Nomme-le, parce que sinon on comprend pas bien. Eh bien, donc, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi? Juste pour se faire plaisir à bien comprendre les choses. Entendre l'histoire de Virginie, essayer de comprendre un peu pourquoi, quoi. Voilà, donc l'idée... Pourquoi, quoi, t'as entendu? Ouais. Donc toi tu fais les questions, mais moi je fais les réponses, sinon on s'en sort pas. Mais là j'ai l'impression que tu parles, tu l'as entendu ma question? Oui, très très bien, et bon, ta question c'est ta question et ma réponse c'est ma réponse. Donc qu'est-ce qu'on fait là? C'est un peu expliquer, comprendre, et ça c'est essentiel. Mais si on s'arrête à cette phase-là, et ce monde est plein de ça pour l'instant, si tu lis le monde diplomatique pendant 30 ans, tu vas tout comprendre, mais ça n'a pas empêché quoi que ce soit de se passer. Donc ce qu'on fait ici est la première étape de la fusée, qui est pour moi essentielle, mais elle ne sert à rien s'il n'y a pas d'autres étapes de la fusée. Et les étapes successives de la fusée, c'est quoi? C'est d'essayer de faire en sorte que Virginie soit heureuse. Ou alors j'ai rien compris, mais il faut me le dire. Non, enfin, moi en tout cas, si je peux donner mon petit point de vue qui suis un peu extérieur au truc, c'est que tu as eu un gros coup, voilà, mais au sens figuré, mais au sens aussi symbolique, au sens de vie, quoi, de vie complète, tu as un gros coup, tu as demandé de l'aide. Bon, là, il s'agit de parler un peu des gilets, quoi, des gilets jaunes, et tu n'as pas trouvé cette aide, voilà. Attends, souris, hein, Virginie. Ouais. Attends, donc ça c'est dit, on l'a dit. Est-ce qu'on va le répéter 40 fois? Donc, non. Ok, c'est dit, on l'a dit deux fois, trois fois. Non, mais il faut le dire, ok. Mais maintenant, avec votre permission, moi j'aimerais bien. Donc, c'est dit, on peut le redire encore. Calme-toi, mais comme tu parles, t'as pas. Mais ouais, mais je suis comme ça. Et... Mais s'il te plaît, moi, sinon on va jamais s'en sortir. Je vais te donner la parole, mais je veux dire, c'est aussi important de un peu redéfinir les choses pour se comprendre, quoi. Donc, ouais, s'il te plaît. Donc l'idée maintenant, c'est d'avancer. Donc moi, je suis d'accord pour comprendre qu'il y aurait pu y avoir plus de solidarité dans un mouvement informel pour aider ce cas terrible, dramatique. Comme l'a dit Virgie aussi, il y a eu un mort aussi, hein, Roger Borlée, B-O-R-L-E-Z. Donc il y a de tout. Il y a une dame qui a perdu son œil aussi avec une arroseuse. Enfin, donc il y a de tout. Hein. Bon, et puis les gardes à vue, et puis les emmerdes, et puis la prison. Enfin bon, soit. Donc c'est horrible et ça fait partie de beaucoup de choses horribles. Et donc maintenant, l'idée... c'est de comprendre, c'est une chose, mais maintenant, il faut aller plus loin. Et j'entends qu'on parle beaucoup de la responsabilité, et elle existe, du mouvement des Gilets jaunes, de ne pas avoir compris à ce point combien il nécessitait d'entraide. Mais j'aimerais bien qu'on passe beaucoup plus de temps. C'est une demande là que je fais. Donc là, on a passé 5 minutes là-dessus, il les fallait. Mais maintenant, j'aimerais qu'on passe, non pas 5 minutes, mais 5 heures sur le policier qui l'a frappé, sur le chef de corps qui a décidé qu'il fallait la frapper, et sur le bourgmestre qui a donné son banco, et sur cette putain de société, non pas la société, mais les tenants de la société qui font en sorte que des choses comme ça arrivent. Et je crois, mais peut-être que je me trompe encore une fois, là, il faut me le dire, que c'est à partir de maintenant, c'est ça qu'il faut attaquer. Alors il faut mêler ça avec le sort de Virgie. Tu sais, en justice, j'ai toujours eu difficile à comprendre, mais j'accepte. Je ne comprends pas, mais je comprends. En justice, quand un papa perd son fils parce qu'il y a eu un mauvais coup de couteau dans je ne sais quel truc de merde, là, eh bien, il semblerait que ce soit important pour le père qu'en justice, on condamne l'agresseur. J'ai toujours eu difficile à comprendre ça, parce que condamné ou pas condamné, tu sais, ça rend pas le fils. Donc, tu vois, voilà, c'est mon ressenti. Et pourtant, je vois que pour les gens, c'est super important, l'espèce de reconnaissance. Ils peuvent commencer à se reconstruire une fois qu'ils ont cette reconnaissance morale ou sociale, je ne sais pas comment on peut dire. Donc il y a ça aussi. Eh bien ça, il y a un travail qui commence. Peut-être que Virgie, ça ne va pas lui enlever sa douleur, ça c'est clair et net. Mais on peut un peu travailler sur l'aspect médical aussi, mais on en parlera tout de suite. Mais déjà, cet aspect juridique-là, il y a eu une première étape qui a été foireuse, pour plein de raisons, et on en a de part. Ok. Bon, mea culpa, on se flagelle un petit peu, et puis on avance. Ok, il faut avancer. Et parfois, on s'engueule un petit peu, on se dit nos vérités, et puis on comprend qu'il n'y a personne qui est méchant, c'est juste qu'on est brouillon, on est imparfait, et on se le dit, et c'est bien pour progresser. Mais après, il faut progresser. Si on reste tout le temps sur le côté brouillon, on ne s'en sort pas. Donc maintenant, moi je dis qu'en justice, c'est pas fini l'affaire. C'est pas fini. La justice, sachez que c'est un outil à l'usage des puissants. Mais il n'y a pas marqué connard ici. Hein. Donc ça, c'est leur truc. Mais nous, ce n'est pas le nôtre. Et la justice, pour nous, c'est la justice des hommes. Et les Gilets jaunes, il y a ça en eux. On veut changer ce système-là. Donc la justice, ce n'est pas parce que des juges ou des avocats ou je ne sais pas quoi ont mal fait leur taf aussi en disant que c'était terminé. Ben, pour nous, les citoyens, ce n'est pas terminé. Il est hors de question, parce qu'un mec en robe noire a dit « Tiens, maintenant, c'est fini, non-lieu », que nous, les êtres humains, on doit dire que c'est fini, cette histoire, juridiquement. Donc c'est ça aussi, les Gilets jaunes. On doit travailler structurellement à faire en sorte que ces histoires-là, il n'y ait pas un non-lieu, parce que confidentiellement, ça s'est décidé. Et donc là, il y a un taf à faire. Là, on peut faire ça. Médicalement, je ne sais pas, mais on peut peut-être aussi... l'affaire n'est pas finie. Structurellement parlant, je crois que... Enfin, je ne sais pas, je parle pas pour elle. Chacun dit sa partition. Après, à elle de juger. Mais si on arrive quand même... Et c'est pas mal parti... Si on arrive quand même à faire en sorte que cette société change, on n'a que 3 ans les Gilets jaunes. Merde, j'ai 52 berges, 3 ans, c'est rien dans ma vie. Laissez-nous. Vous avez vu beaucoup de mouvements qui, en 3 ans, ont quand même obtenu, malgré toutes nos faiblesses, nos difficultés, on est des gens de rien. Eh bien, merde, moi, je trouve ça magnifique, tout ce qui, pour l'instant... Alors, évidemment qu'on n'a rien de concret dans le sens, structurel ou quoi. Ben ouais, t'as vu les puissances en face, quoi. Puissance économique, puissance militaire, puissance policière, puissance politique, puissance médiatique. Tu t'étonnes que des 2-3 connards comme nous, c'est difficile. Wow, indulgence les gars. Et puis tous ceux qui nous agonisent de difficultés là, qu'est-ce que vous avez fait vous? Quel est votre taf? Venez un petit peu. Si vous pensez que c'est pas suffisamment bien ce qu'on fait, venez nous aider, ça ira peut-être mieux. Donc maintenant pour Virgie, je crois aussi, pas que, hein, aussi, on additionne tout, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Si on peut avoir une efficacité sur les façons que ce système a de produire ces effets de merde là. Peut-être aussi que ça peut l'aider. Si elle voit qu'elle a participé à un mouvement qui, malgré qu'elle ait pris plein la gueule, pardon, si on y arrive quand même, moi je crois que sur une vie, elle pourrait être fière, quoi. Bien sûr. Et je serais fière d'avoir perdu ma main si on gagne quelque chose. Enfin, fière, façon de parler, quoi. Je me dis, ça aurait servi à quelque chose. Enfin. Ouais, mais là, moi, j'ai un peu perdu le... Ouais. Parce qu'on est toujours dans la rue, malgré ce qui nous arrive, malgré qu'on fait des heures de... Parce que des heures de cachot, on en a fait. Avant les Gilets jaunes, j'avais été une fois au cachot, sur toute ma vie. Et là, sur le mouvement des Gilets jaunes, on a été combien de fois? Mais c'est pas ça qui nous arrête. Au contraire, on sera encore plus là. Écoute, moi je propose que... Enfin voilà, on discute, hein, on est là aussi pour ça. Le micro est là, mais c'est comme s'il n'était pas là, on peut discuter comme ça aussi. Sur tiens, qu'est-ce que vous pensez qui serait intéressant de faire? Et moi je me dis, puisque cette justice n'est pas satisfaisante, les puissants, on met 20 ans à ne pas les condamner finalement ou à les lâcher, et puis par contre, pour nous, dès qu'il y a une merde, t'es vite condamné, ou alors quand c'est à notre corps défendant, on te traite vite comme de la merde. Eh bien, bien, est-ce qu'on doit quémander à ce système? Est-ce qu'on doit quémander aux hommes politiques? Est-ce qu'on doit quémander aux juges? S'il vous plaît, voulez-vous bien tenir compte de nos misères, de nos doléances, machin? Ils sont contraires, donc ils n'y arriveront jamais. Nous, alors, la technique des Gilets jaunes, c'était de remettre en cause ça. Et finalement, plutôt que de demander de bien inclure dans leur façon notre demande, mais merde, ils sont que quelques milliers, on est des milliards sur Terre. Pourquoi est-ce que nous ne mettrions pas en place, sans rien leur demander, les systèmes que nous voudrions, que nous rêverions de voir mis en place? Et donc, s'agissant de justice, pourquoi ne créerait-on pas nous-mêmes un tribunal populaire? Alors, il n'y a pas marqué, parce que cette image-là, ça fait un peu couteau entre les dents, on va aller guillotiner tout le monde. Non. Nous sommes des gens civilisés, nous sommes des gens bienveillants, nous sommes des gens pacifistes, nous sommes des gens intelligents. Le pouvoir, pour l'instant, démontre beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas inverser les rôles. La population est démocratique. Les pouvoirs ne le sont pas. C'est ça, il faut le redire. Eh bien, pourquoi nous ne mettrions-nous pas en place, je parle sous le contrôle de Virginie, un tribunal, mais un tribunal tout à fait sain, dans le sens humain et moral du terme, pour juger l'affaire de Virginie. Et puis, sait-on jamais que ça parle au cœur des gens, que ça parle au cerveau des gens, que ça parle aux couilles des gens, et que avec tout ce genre de technique, on arrive à renverser les choses en les mettant en place nous-mêmes. Ça, c'est une possibilité. On attend un jugement de Virgile, la justice a montré qu'elle n'en avait rien à foutre. Eh bien, moi, je n'attends plus rien de la justice des hommes, et là, ça rejoint l'affaire d'Idriss, et je n'attends plus rien de la justice des juges, mais j'attends beaucoup de la justice des hommes, et elle, je lui fais confiance. Je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens dans l'humanité. On nous fait toujours comprendre via les médias que l'humanité, eh ben, c'est le brouhaha, c'est l'extrême droite, c'est de la merde. Heureusement qu'on a les hommes politiques pour penser à notre place. Mais ça, c'est un bashing de merde, quoi. Regardez vos copains, regardez vos amis, regardez les gilets jaunes. Il y a beaucoup d'intelligence collective là-dedans et je la trouve admirable par rapport à ce que je vois dans les médias et dans les hommes politiques. Faut dire ces choses-là. On n'est pas perdants, on n'est pas des connards. C'est faux, c'est ce qu'on nous fait croire depuis tout petit. Et ça commence par l'école, au fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est plus du formatage que de la formation. Excuse-moi, je parle trop. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur base de l'histoire de Virginie. On n'est pas tous des chômeurs, on n'est pas tous des baraquis, on n'est pas tous des alcooliques. Dans les gilets jaunes, comme certains pourraient le croire. Si on essayait de... Parce que discuter de l'état du monde et comment que mettre d'autres en place, de toute façon, il y a des bibliothèques remplies de livres qui racontent ça, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi, ce que j'aimais bien ici, c'était quelque chose de concret. Parce que sinon, on part tout là-haut et on part dans des... Parce que les gilets jaunes, c'est pas une bibliothèque, C'est des gens dans la rue, donc ça tombe très bien que tu dises ça, parce que tu es à la bonne table. Les gilets jaunes, c'est justement ça. Des gens qui ont eu marre des bibliothèques pour les avoir lus ou ne pas les avoir lus. Donc ça tombe bien. Mais ce que j'aimais bien, moi, c'était ici, toi, tu es quelqu'un de concret qui a eu un accident de la violence de l'État, là, tu vois, parce que tu pars manifester, tu pars te défendre tes droits, tu fais partie d'un mouvement gilets jaunes et ça prend pas. Il y a quelque chose qui... Et voilà, moi, je trouvais ça intéressant de ramener des choses concrètement, quoi, tu vois, de se dire... Parce que sinon, on part là-haut et on refait le monde et dire que ceci et dire que cela. Oui, toi, tu dis, oui, ça va, on va pas le répéter 36 000 fois qu'on a failli, tu vois. Mais peut-être l'idée aussi, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes pourrait mettre en place pour être un peu plus solidaire, un peu plus... cohérent, un peu plus organisé, un peu plus, je sais pas moi, tu vois, pour que une personne... Moi, ça me touche que tu me dises, Virginie, j'étais pas médiatique, donc tout le monde s'en foutait de moi, et donc voilà. Moi, je trouve ça hyper... c'est hyper violent, ça, tu vois. Et de la part des Gilets jaunes, et de la part de ce mouvement, enfin voilà, en même temps, c'est ton interprétation, c'est mon interprétation, hein. À moi, mais non, on peut pas mettre voilà. Tout le monde dans le même sac, dans les Gilets jaunes, il y a de tout... Dans les Gilets jaunes, c'est la population. Mais oui. Mais donc voilà, c'était il y a peut-être ça. Il y a des mauvaises personnes dans les gilets jaunes, comme dans la vie, enfin. Comme dans les gens, quoi. Ouais. Il y en a, ils viennent, ils veulent saboter le mouvement, ils y arrivent pas, parce qu'on arrive toujours à rebondir. Et merci. C'est pas eux qui nous casseront. On sera toujours là, même s'il y a des mauvais. Et on arrive toujours à se ressortir, même si on se dispute sur un point. On va se revoir le dimanche d'après, on va se redire bonjour, parce qu'on est dans la rue pour le même truc. Moi, perso, mais quand je suis dans la rue pour le mouvement, je mets mes affaires à moi de côté. Je suis là pour le mouvement. T'es capable de faire ça, quoi. Pas la personne, t'es capable de faire ça. Je marcherai avec elle. Il faut faire la part des choses. Mais toi, t'es capable de ça. Peut-être d'autres sont pas capables, tu vois. Je suis capable sur certains points, sur d'autres. On a tous notre caractère aussi. Je suis quelqu'un d'impulsif aussi. Donc, Ouais. Un peu mon neveu. Et donc vous comprenez un peu comment moi je ramène les choses au concret, quoi. Voilà, t'as une main pétée, ça a changé ta vie. On est ici un peu avec les. Évidemment, c'est pas tous les gilets jaunes, ils sont pas tous là. Donc voilà, c'est aussi réducteur, mais en tout cas, t'as demandé de l'aide, il y a pas eu. Et comment on peut faire que ça change ça? Voilà, c'est peut-être ça aussi qu'on peut laisser dans une case et revenir plus tard dans vos discussions, dans vos rencontres, quoi. Comment on peut faire pour que ça n'arrive plus, ça arrive moins, j'en sais rien, moi, vous voyez. Je pense pas que ce soit à nous de changer. À nous, c'est-à-dire? Nous, les gilets jaunes, c'est à la justice de changer. C'est pas à nous de changer. Attends, c'est parce que là, on parle pas de la même chose, hein. Mais si, parce que même moi, toute seule, j'ai fait mes démarches, la justice n'a rien fait. Oui, mais tu disais, si on reprend toute la conversation, oui, tu disais, parce qu'il ne faut pas comme ça, à la dernière minute, faire une queue de poisson, à la base. Attends. Je réexplique, comme ça tu peux entendre, pour voir si tu as bien compris, si on se comprend bien. C'est que, toi, tu as dit qu'au niveau de la justice, en fait, tu t'en foutais parce que les flics, de toute façon... Oui, non. Moi, j'aurais voulu que mon histoire passe et que le flic soit condamné. Mais je sais que c'est beau de rêver. Et je sais que ça arrivera jamais. Mais ça m'aurait fait, comme il a dit, un bien intérieur. Juste ça. Ça oui, m'aurait pas rendu ma main, que... mais ça m'aurait fait du bien que mon histoire, elle soit jugée. Quand je t'ai dit que si tu pouvais rêver, qu'est-ce que tu choisirais? À retrouver ma main. T'aurais pu dire, putain, moi, je veux me battre avec la justice, je veux que... C'est pas le plus important. Voilà, t'as dit, si tu voulais retrouver ta main, et on est là aussi un peu parce que t'as pas trouvé... complicité avec les gilets quand ça t'est arrivé, quoi. On est un peu là aussi pour ça, quoi. Tu vois, voilà, moi j'avais juste envie. Mais je peux pas remettre la faute sur l'humain. C'est pas de leur faute. Il y a personne qui parle de faute. Là, vous parlez. Enfin, là, un cheval, je vois un cheval avec une calèche, c'est pas étonnant, on est à Bruxelles. Ça, j'aime pas. Grand place. Moi, quand je fais le micro ouvert, j'écoute ce que les gens disent, j'essaie de le retenir et on avance dans une pensée, une réflexion. Et en fait, on arrive un peu à la conclusion, c'est de se dire, au fond, toute cette histoire, peut-être ce serait bien, dans le mouvement, de faire en sorte que quand il y a quelqu'un qui a mal, quand quelqu'un ça va pas, quand il y a quelqu'un, ben, comme un Idriss, c'est vraiment, comment dire... une figure comme ça qui a bien bougé, hein, voilà, les gens se sont mobilisés, pourquoi pas pour d'autres. C'est comme Castor, c'est les petites mascottes parce qu'ils vont partout en France, ils sont reconnus, tu vois, mais tant mieux pour eux. Vous êtes marrant parce que vous, ouais. Grazi, tu proposais qu'on soit solidaire, cohérent, organisé, et c'est très juste. En tout cas, je t'assure que, en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'être. Et alors, c'est pas facile parce qu'on est imparfait comme tous les humains, mais il y en a marre de s'autoflageller. Donc, évidemment qu'on a des défauts, mais c'est les défauts de l'humanité. Et nous, particulièrement, on devrait toujours nous les rebattre sur nous-mêmes, alors que c'est justement nous qui essayons de munir de tous ces défauts, en tout cas, de faire avancer les choses. Et j'entends beaucoup de reproches de la part de la population, des médias, des politiques, de n'importe qui, à notre égard, et sans doute est-ce juste, mais ni plus ni moins que tout le monde, alors que nous, justement, on essaye de faire bouger les choses. Et donc, j'y vois aussi, donc le portrait n'est pas faux, mais c'est aussi ingrat de toujours insister là-dessus. De toute façon, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de m'opposer aux gens qui disent que je suis un con. Ok, je suis un con, d'accord, c'est bien compris. Qui dit ça? Tu rigoles. Un con. Eh bien, nous, en tant que gilets jaunes, si tu savais, on a reçu 1000 infamies comme quoi qu'on était des cons, et quand je dis cons, c'est très léger. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que bien sûr qu'on est des cons, mais la démocratie, c'est aussi fait pour les cons. Et donc, nous, en tout cas, on essaye de sortir le système de sa connerie. Et donc, voilà, j'invite les gens, en tout cas, à faire la part des choses et de voir sans doute la part de connerie qu'il y a en nous, mais la part de beauté aussi. Et celle-là, on ne la dit pas assez, je trouve, dans les médias mainstream. Heureusement, des médias un peu plus malins, souris pour les fleurs, mais heureusement, sont là pour avoir décelé ça, même s'ils sont assez acerbes. Enfin, soit je ferai ton portrait un autre jour. Mais donc, pour revenir à Virgie, Virgie, prêtons-lui longue vie. La Virgie de 80 ans, c'est à la fin du parcours qu'elle dira si ce mouvement était merdique ou était beau. Je lui demande la gentillesse de laisser collectivement 40 ans au mouvement pour lui prouver qu'on n'est pas des cons. Je dirais que ce mouvement était beau, malgré ce qui m'est arrivé. Parce que ce qu'on a retrouvé dans ce mouvement, on ne le retrouvera pas ailleurs, je pense. Ouais, et puis ça continue, c'est pas fini, les gars. Malgré tout, il y a une belle solidarité entre nous. malgré tout, tu vois. Et maintenant, concrètement, donc moi, je voulais aussi parler de ça, parce que j'avais dit 20 minutes, 20 minutes le portrait et puis 40 minutes le boulot, mais on est ce qu'on est, on est des connards et on n'arrête pas de causer. Et ça, c'est de l'amour, en fait, ce qui se passe ici, où je comprends rien, il faut m'expliquer. On aime notre mouvement, sinon on ne serait pas là. Enfin, on aime, on se comprend. Donc moi, je crois que... Mais on conclut toute cette discussion pour après discuter entre vous. Alors, soyons... Conclusion. Au fait... Parce qu'on parle beaucoup de nous-mêmes ici. Mais si des gens qui nous écoutent voient quelque chose qu'on n'aurait pas vu pour aider Virgie, surtout n'hésitez pas, les amis, hein, parce que c'est facile d'écouter la radio, d'avoir une opinion, et puis de rester confortable, vivre sa vie, et avoir un jugement, souvent très acerbe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Virgie? Parce que nous, OK, on est moyens, on n'est pas top, mais l'affaire n'est pas finie. Mais on fait ce qu'on peut. Et vous, qui m'écoutez là maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Virgie? Et surtout, ne dites pas, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, il n'y a rien à faire, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien à faire. Ça non, hein, vous êtes plus malin que ça quand même. Réfléchissez, il y a toujours quelque chose à faire. Ça c'est pour l'auditeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Virgie, dont vous venez d'entendre l'histoire là, hein? Pourquoi ne si vous n'avez jamais été solidaire, sait-on jamais, ce serait bien le moment de commencer avec Virgie. Et si vous l'avez été, pourquoi pas Virgie? Ça, c'est première chose. Deuxièmement, au niveau juridique, judiciaire, on doit réinventer ça. Parce que la justice n'est d'aucune aide à Virginie. Cette conversation l'a montré. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de rester encore 4000 ans là-dessus. Donc, ce n'est pas des idées comme ça. C'est du concret. La justice doit changer. C'est du concret. Ce n'est pas une espèce de rêve. Les gilets jaunes sont justement le bon outil pour ça. C'est des gens qui vont chercher techniquement, concrètement, devant le brunch du MR, devant les parlements, le mec qui a enfariné... Mais non, mais laisse-moi, s'il te plaît. Le mec qui a enfariné... Le mec qui a enfariné Georges-Louis Boucher, c'est du concret, c'est pas juste un enfarinage, c'est pas un entartage, c'est pas le gloupier. Mais ça change quoi? Non, concrètement, ok, il y a... Eh bien, ça change quoi? Ça veut dire que tu vas attaquer moralement, je parle pas physiquement, tu vas sur leur terrain et tu vas leur dire ton brunch, c'est avec quel pognon que tu l'as fait. Donc c'est saper les bases de leur légitimité que personne ne sape. Et s'il faut commencer quelque part pour des simples ouvriers, c'est pas mal quand même. Donc c'est pas du vent. Donc juridiquement parlant, il faut mettre en place une autre justice, et les gilets jaunes, avec leurs petits moyens en tout cas, s'attaquent à ça. On demande à tout le monde en Belgique de venir avec, c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que la justice ou l'injustice plutôt, c'est pour tout le monde, par exemple pour Virgie. Et je veux juste rajouter, sorry, c'est tombé sur Virginie, parlait d'abord parce qu'elle est très elle est comme elle est, on la connaît, bon, donc ok, mais c'est, et alors quoi, elle a tué personne, quoi. On a le droit d'être, il y a des gens calmes, il y a des gens nerveux, il y a des bavards, il y a des taiseux, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de raison qu'elle prenne parce qu'elle est plus fâchée sur les injustices de la vie. Mais au fait, c'est le hasard que ce soit tombé sur Virgie. Ça pouvait aussi tomber sur n'importe lequel, selon les contingences. Donc ça concerne tout le monde, l'affaire de Virgie. Il faut aider Virgie, un peu comme Idriss, parce que ça s'est tombé sur elle, mais ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous. Donc il y a du sens à aider Virgie maintenant. Donc il faut l'aider au niveau juridique. Il faut l'aider d'une façon qu'on n'aurait, nous, pas encore vue, s'il vous plaît. Et puis... on n'est qu'au début de cette affaire-là. On va avoir justice, parce que les gilets jaunes triompheront. Ça ne se voit pas encore maintenant, parce qu'on est en plein milieu de la lutte et que c'est difficile, mais les gilets jaunes triompheront, y compris pour Virgie. T'as envie de conclure en disant quelque chose? Non, merci. Ouais, je veux pas d'argent. C'est pas de l'argent que je demande. Je suis pas là pour ça, en tout cas. Mais merci. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à toi.